Salut Blockbuster, eh ben, merci beaucoup pour l'émission sur Nathalie Portman et entre autres sur la relecture du film Léon. Parce que moi, quand j'ai vu ce film, eh ben, je devais avoir à peu près l'âge de Nathalie Portman, dans ses 13 ans. Et du coup, eh ben, je me suis en gros un peu identifié à elle. Je suis forcément tombé amoureux d'elle, comme un enfant à peu près du même âge. Et finalement, l'histoire d'amour avec... Avec le tueur, avec Jean Reno, je voulais un amour platonique, je voulais pas ça de manière malsaine parce que j'étais encore un enfant. Et maintenant, je me dis qu'en effet, c'est un peu dérangeant ce lien-là entre un vieil adulte et une gamine de 12 ans et que le fait que la société a changé montre que ben, ce n'est peut-être pas très acceptable d'idéaliser comme ça une relation ambiguë. Merci pour cette émission sur le top 50. C'est toute mon enfance. Clairement, c'est Madeleine de Proust pour moi. Donc, je me réjouis d'écouter cette émission cet après-midi. Merci, Blockbuster. Salut, Fred. C'est Thomas Croisière. On fait une spéciale top 50 et on n'invite pas? Tout ça pour pas parler de Michel. Une fois encore, le complot continue. Nous sachons, Fred, je serai un auditeur attentif et j'espère que vous parlerez de Michel. Terre brûlée au vent des landes de pierre. Not to be. Il n'y a pas longtemps, je suis allé au cabaret de Madame Arthur, un haut lieu de la vie nocturne et du milieu des travestis parisiens. Ceux qui connaissent l'endroit peuvent en témoigner, il y a une ambiance on ne peut plus festive. Où est la France en 2022? Eh ben, j'avais l'impression d'être à l'étranger. Je me suis retrouvé dans une boîte de nuit, entouré par des jeunes d'une vingtaine d'années qui chantaient à tue-tête des standards des années 80. Début de soirée, Désirless, Balavoine, c'était hallucinant. Pas un seul représentant de la jeunesse présent ce soir-là n'était né lorsque ces chansons sont sorties. Et pourtant, ils connaissaient les paroles mieux que moi. C'est quand même dingue que des parents aient assuré l'éducation de leurs enfants en leur transmettant En rouge et noir de Jeanne Masse. J'ai vu une jeunesse s'enjailler sur les forbans. Les forbans ! Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que quand tu parles de ces chansons à tête reposée avec des potes, tout le monde s'accorde à dire que ça n'est pas de la bonne musique, que c'est kitsch, même un peu beauf. Mais un mariage, une discothèque et un peu d'alcool dans le sang, qui se met à chanter Émile et Images à fond debout sur la table? Le même mec un peu branché, collier de barbe et jeans cintrés qui ne jurait que par Eddie Depreto 4 heures avant. Le rapport que l'on a aux chansons populaires des années 80, c'est toute la différence entre la manière dont on veut se montrer au monde, la France, le pays de l'exception culturelle et du raffinement, et ce que l'on est vraiment. Le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien, quand même c'est marrant. Et vous savez quoi? J'adore ce pays pour des grands écarts comme ça. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglis. Bonjour et bienvenue pour cette toute première de Top 50. En 1984, conjointement au lancement de Canal+, le public français découvre l'émission Le Top 50 présentée par Marc Toesca et son mythique Salut les petits clous. Le classement des singles et les albums classés numéro 1 des ventes de disques en France. Pendant 9 années, cette émission a fait découvrir la magie des vidéoclips au public français avec des titres aussi cultes que La Lambada, Désenchanté ou Il est beau le lavabo. Véritable miroir d'une époque et aussi d'un éclectisme qui n'appartient qu'au peuple français, je vous propose de revenir sur l'histoire de cette émission. Et pour ce faire, j'ai avec moi Guillaume Huguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et rédacteur en chef de la revue Audimat, mais aussi chercheur spécialiste des rapports entre culture musicale et numérique. Et vous avez écrit YouTube et les métamorphoses de la musique aux éditions de l'INA. C'est ça. Avec nous également Étienne Menu, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes critique musical, cofondateur de la revue Audimat avec Guillaume Huguet et rédacteur en chef du site Musique Journal, un quotidien de recommandations musicales. Absolument. Et avec nous de retour, je suis ravi, Redouane Tella, bonjour. Salut. Vous êtes spécialiste du petit écran, notamment sur cette antenne, et comme on peut le lire sur votre bio Twitter, vous êtes le petit prince du PAF. Oui, c'est ça. Allez, je vous propose un voyage dans le temps via Planète Top 50. C'est parti. C'est dur, dur être bébé. Je suis Rital et je le reste. T'es dans le verbe et dans le geste. Redouane Tella, première question, comment est né le top 50? Le top 50 est né d'une volonté des directeurs d'Europe 1 à l'époque qui se disaient, alors en fait à chaque fois il y avait des patrons de l'industrie musicale qui venaient en disant moi mon artiste il est numéro 1 des ventes, sauf qu'il n'y avait aucun moyen pour le prouver. Donc ils ont dû créer un classement. Et ils ont profité de la création de Canal+, donc la quatrième chaîne française, pour lancer ce classement, le top 50, donc conjointement sur Europe 1 et sur Canal+. Et alors, comment était évalué le classement? Parce que du coup, c'est facile de se dire, on va opter pour une classification, mais comment on fait? Quels étaient les outils à disposition pour évaluer tout ça? Alors, ça a été un outil qui s'est développé peu à peu. Alors, au départ, il y a l'Institut Nielsen et l'Institut Ipsos, très connus ici. Donc, deux instituts qui sont chargés de mesurer les ventes et qui vont dans les hypermarchés, les Fnac, les disquaires à l'époque. Bref, les principaux vendeurs de disques pour comptabiliser le nombre de ventes chaque semaine et ça donne ce fameux classement. Guillaume Gay, la vente de musique a énormément évolué depuis l'apparition du top 50 et je me souviens, j'ai encore des souvenirs de ça, que pour acheter ces disques, on allait au supermarché, là où on pouvait aujourd'hui trouver la moutarde, à côté il y avait des 45 tours qu'on pouvait prendre comme ça et aller devant la caissière. Ça a vraiment énormément évolué. Pour des gens qui ne connaissent que la musique dématérialisée aujourd'hui, c'est un changement. En fait, il y a encore des CD dans les supermarchés, hein, je vous rassure, mais effectivement, les points d'accès à la musique se sont démultipliés. On parle beaucoup du streaming ces dernières années, c'est un des modes d'accès à la musique. On a un peu l'habitude de dire que ça transforme tout, mais heureusement, la radio est encore là, les CD dans les supermarchés sont encore là. Et les formats, c'est un peu comme les énergies, ça s'additionne au lieu de se remplacer. Et donc, quand ce top 50 est apparu, il était donc sous deux formes différentes. Il y avait donc Europe 1 et Canal+. Est-ce qu'il y a eu une distinction qui s'est faite assez rapidement entre ces deux supports? Entre Europe 1 et Canal+. Alors, moi, j'ai pas les données historiques sur Europe 1, Canal+, mais ce qui est sûr, c'est que dans toutes les histoires, je dirais même internationales des charts, il y a tout de suite une interdépendance entre télé et radio. Aux États-Unis, c'est American Bandstand. C'est le cas au Royaume-Uni aussi. Et en fait, la synergie entre les deux. Et puis d'autres formats. D'ailleurs, les magazines, Salut les copains en France, étaient hyper interdépendants des hit-parades. Et puis sur Europe 1, il y avait quand même cette volonté de promouvoir depuis Salut les copains la musique populaire. Donc le top 50, ils l'ont fait pour ça. Sur Canal+, à l'époque, Canal+ était créé par les enfants du rock véritablement, donc Pierre Lescure, Antoine Decaune, Alain De Greff, etc. Et ils se disaient ça va être le moyen de passer de la bonne musique. Et malheureusement, premier top 50, ils se retrouvent en numéro 1, Peter et Sloan. Et là, ils se disent comment on va faire avec ce top 50? Ça a duré, je crois, cette semaine, Peter et Sloan, numéro 1 du top 50 sur Canal+, et donc ça a donné une tonalité, une couleur à cette émission. Ensuite, il y avait aussi un top album, en fait. Il y avait le top 50 des singles, et le top album, il y avait des morceaux, enfin, il y avait des productions un peu plus, entre guillemets, qui collaient plus au goût de Pierre Lescure, par exemple, j'imagine, que Peter et Sloan dans le top 50 des singles. Et Étienne Menu, c'est aussi l'apparition du vidéoclip, qui est indissociable de l'histoire du top 50. Oui, et en fait, le vidéoclip, on connaît un petit peu l'histoire de MTV, qui en fait, où en fait les labels produisaient des clips à la demande d'MTV pour alimenter, disons, l'antenne. C'est un peu, c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi avec le Top 50. Et surtout, en fait, ça a été, c'est pour ça qu'il y avait pas mal de groupes et de morceaux qui marchaient en fait plus, enfin, en tout cas, autant grâce à leurs clips que grâce à la musique. Je pense, à tout ce qui est un peu rigolo avec pas mal de singles. J'en sais rien, Léopold Nord, etc. Beaucoup de choses où il y a un truc un peu loufoque aussi. Les tendances un peu, disons, érotiques soft de certaines chanteuses. Je pense notamment à Gage Patty et son célèbre tube Étienne. Un apport visuel qui était effectivement déterminant. Parce qu'en fait, on avait du coup envie de revoir le clip. Quand il repassait, on avait envie que le clip reste à l'antenne. Et du coup, les gens regardaient l'émission et achetaient le morceau pour voir le clip. Parce que c'était le seul moyen de le voir, puisqu'il n'y avait ni YouTube. Et que Canal+ était effectivement à peu près la seule chaîne, en tout cas les premières années du Top 50, à passer des clips. Et j'ai remarqué que sur les classements de hits internationaux... on arrive assez facilement à déceler des grandes tendances, des goûts pour certains pays. Mais pour la France, quand on se fie au Top 50, il y a une forme de chaos artistique qui est absolument incompréhensible. C'est-à-dire qu'on passe de Peter Sloan à Scorpion, tout d'un coup il y a Elsa, t'en vas pas, tout d'un coup il y a allez, viens boire un petit coup à la maison. Est-ce qu'on arrive à identifier l'ADN musical du peuple français, ou est-ce que c'est comme les élections, etc. Système politique, c'est que en France, vraiment, c'est pas possible. Il y a des tendances. Bah déjà, il y a tous les trucs chansons paillardes. Viens voir un petit coup à la maison. C'est un peu notre fabrique. Tout ce qui, enfin, chansons paillardes et chansons gadget, comme peut être Beau le lavabo, comme peut être Jordi. Ce qu'ils appellent novelty songs aux États-Unis, c'est-à-dire des chansons en fait où les artistes en fait, on s'en fiche un peu. C'est surtout la blague et le côté on en parle. Enfin, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les morceaux viraux, quoi. Après il y a l'été, notamment les tubes de l'été, beaucoup les slow, etc., qui tenaient bon quand même. Les morceaux club, parce que là en fait on parle beaucoup de morceaux français, mais il y avait quand même des choses comme Michael Jackson ou Prince qui pouvaient un peu relever le niveau, si j'ose dire, même si il y a certains trucs français qui étaient super bien. Et ensuite il y avait aussi il y a eu beaucoup de numéro 1 en fait de chansons caritatives. C'était vachement la mode des années 80 avec les morceaux sur tremblement de terre en Arménie, oui, l'Éthiopie, Resto du cœur, et puis même We Are the World évidemment, qui marchait très fort à l'époque, quoi. Donc c'était aussi, il y a quand même des grandes tendances, ouais. Guillaume Gay, est-ce que le développement donc de cette identité visuelle via les clips et l'apparition de ce classement, ça a fait évoluer aussi la carrière et la manière de fabriquer la musique en France? En France, je pense qu'il y a toujours eu la même tension en fait qui existe dans toutes les carrières pop. Même si on peut se poser la question de savoir si la musique commerciale pour la radio, la télévision et les ventes des charts en France, c'est pop ou variété, est-ce qu'il y a une différence entre les deux, etc. Mais en fait, on retrouve toujours la tension dont parlait Étienne, c'est-à-dire single. On a toujours eu des one hit wonder en France ou carrière, album, etc. C'est sûr qu'il y a des artistes, Mylène Farmer, etc., qui ont développé un univers sur les clips dans la durée, qui sont un peu interdépendants de ce format-là, quoi. C'est l'idée d'univers complet, etc. Ça a été le cas dans les variétés. Ça a été aussi un peu le cas avec le rap et la musique électronique plus récemment. Je pense que il y a des artistes récemment comme MHD ou comme SCH, dont le succès populaire est vraiment lié aussi à la capacité... Tellement populaire que je ne les connais pas. J'imagine que... Ça, c'est aussi assez lié au changement des modes de calcul avec le streaming. C'est-à-dire que j'ai un collègue, Sofiane Fanon, au jour, qui parle souvent de ça. C'est-à-dire que les charts en streaming ont révélé les écoutes du public le plus jeune, qui n'était pas un public qu'on voyait dans les charts de vente ou dans des mesures d'audience radiophonique par panel, etc. Mais Redouane, t'es là ? Alors, à l'époque, on connaissait tous le numéro 1 du Top 50. Peter Sloan, Mylène Farmer, Axel Bauer, on connaissait tous leurs noms et on était capable de fredonner les chansons. Aujourd'hui, je crois que là, le numéro 1 du Top 50, c'est Fraîche la Peufra. personne n'est capable de siffloter le tube de Fraîche la Peufra, comme personne n'est capable, parmi nos éditeurs j'imagine, ou quelques-uns, n'est capable de siffloter un tube de Nino ou de SCH, comme on l'a cité, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout avec le top 50, c'est qu'avec cette démocratisation du clip, on voyait du clip tous les jours à la télé, parce que le top 50, il y a eu un format quotidien qui s'est très vite installé sur Canal+, et bah, on a découvert que des chanteurs avaient des physiques de radio. Et donc, mais c'est vrai. Il y a eu un tri. Bien sûr, je le prends pas mal, hein, vraiment. Il y a eu un tri. Et il y a des chanteurs. Dans ma thérapie. J'ai cité Axel Bauer. Axel Bauer est très beau et son clip est très sexy. Et donc Axel Bauer a été promu. Et j'ai une machine dans la tête. Et c'est des ça chanteuses, oui. J'ai cette machine. Oui, j'ai cette machine dans la tête. Oui. Et je me rappelle le clip. Bah oui, on se rappelle tous du clip. Oui. On l'a en tête. Et il y a des chanteurs et des chanteuses qui n'ont pas passé le cap du clip, malheureusement, qui n'étaient pas assez photogéniques, on pourrait dire, pour passer cette étape-là et pour être sexy pour les ventes, etc. Et malheureusement, bah il y a eu un filtre durant les années 80. Il y a des exemples ? Je les citerai pas. Bon, c'est gentil. On va écouter un titre qui est resté 11 semaines numéro 1 du top 50 en 1987. Alors là, je vais prendre ma voix de DJ, je fais une spéciale dédicace à Patrick Lébéniste. Je vous invite à pousser les meubles et à vous faire plaisir. On écoute La Bamba qui interprète... Non, Los Lobos qui interprète La Bamba. La Bamba, qui, je le rappelle, est restée 11 semaines numéro 1 du top 50, interprétée par Los Lobos. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Salut, bonsoir les petits clous, j'espère que vous allez bien. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Et nous sommes en ligne avec Marc Toesca. Bonjour Marc. Bonjour, si je vous dis salut les petits clous, ça vous fait plaisir ou... Oh là là, je suis un gosse, vraiment. Alors non, je suis heureux parce que j'ai enfin entendu sur France Inter Peter et Sloan, besoin de rien, envie de toi. Ah bah oui. Alors en même temps, si vous écoutez Blockbuster régulièrement, vous allez voir que voilà, il y a beaucoup de premières fois dans cette émission. Hein. Et souvent on me dit, ça sera la dernière aussi. Alors, je rappelle, Marc Toesca, vous êtes animateur de radio et de télévision. Tous les samedis à 13h30 sur France 3 dans l'émission Samedi dans Rire. Et bien évidemment, vous avez présenté le top 50 de 1984 à 1991 sur Canal+. Donc ma première question, c'est comment vous êtes-vous retrouvé à l'animation du top 50 sur Canal+? Mais je suis arrivé au tout début de Canal, j'avais travaillé avec Pierre Lescure sur une radio périphérique qui est basée dans le sud de la France, enfin qui était basée à l'époque dans le sud de la France. Et lorsque Pierre, avec une bande de gens de RMC, donc ont monté Canal, ils m'ont proposé de monter. J'ai suivi Lescure et voilà, je suis arrivé pratiquement un an avant la création de Canal+. On a travaillé sur plusieurs projets. Et un jour, Lescure et Philippe Gildas m'ont proposé, et Alain Degreff m'ont proposé de faire le top 50, qui était donc le classement des meilleures ventes de disques. Ma première réaction, ça a été de dire non, parce qu'à la radio, j'ai toujours refusé de faire les hit parades. Et j'ai dit non, mais Pierre m'a dit, avec un petit clin d'œil, mais de toute façon, ce sera une émission rebelle, ce sera l'anti-hit parade. Voilà, effectivement, puisque c'était le classement des ventes de disques et qu'à l'époque, les hit parades de radio, on rappelle qu'en 84, il y avait trois radios nationales qui avaient chacun un hit parade très, très défini. Les hit parades radio étaient montées essentiellement avec des de combines entre éditeurs, maisons de disques, producteurs. Voilà, tu me passes 200 fois mon disque, je te revire 5% des droits, des droits éditoriaux. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'était vraiment, au départ, le top 50 est un acte rebelle parce que c'était le classement des meilleures ventes. Et une sorte de démocratisation et de la représentation musicale française, en fait. Bah, la démocratisation existait déjà par les radios périphériques, mais c'est vrai que chaque semaine on avait une photographie de ce que les Français achetaient, puisqu'à l'époque on achetait les disques. Oui. C'est-à-dire qu'on faisait la démarche d'aller chez un disquaire, et d'ailleurs à l'époque essentiellement les points de vente de disques étaient des disquaires. Avant les grandes surfaces, la Fnac n'existait pas vraiment, il y avait pas de mégastore, donc on allait vraiment souvent chez des petits disquaires ou chez le marchand d'électroménager pour acheter des 45 tours. Mais là, on avait chaque semaine, grâce à Nielsen et Ipsos, la photographie des ventes de disques. Alors attention, on n'avait pas la vente de tout, on n'avait pas le chiffre de vente global, on avait simplement des petites photographies, car chaque semaine, je rappelle comme ça au passage, les gens de Nielsen et Ipsos, qui avaient créé un panel de disquaires représentatifs dans toute la France, se déplaçaient sur des points de vente et comptaient eux-mêmes ce qu'il y avait dans les bacs. Ah oui, c'était d'ailleurs. Oui, mais c'était d'ailleurs comme le rappelait très souvent Philippe Gildas, c'était le système qu'ils avaient mis au point pour lorsque par exemple une grande entreprise lançait un yaourt à la banane ou à la cerise, savoir comment se vendait ce yaourt à la banane et à la cerise. Donc en fait, ils ont adapté au disque ce qu'ils faisaient déjà sur la grande distribution. Et quel est votre souvenir le plus marquant durant ces 9 années de présentation? Mon premier souvenir, celui qui me touche le plus, un jour Pierre Lescure m'appelle et me dit demain le président Rousselet veut te voir, André Rousselet qui était donc président de Canal+, donc inutile de vous dire que j'ai mal dormi de toute la nuit. Et je suis arrivé dans son bureau, Pierre m'a bien sûr rappelé que André Rousselet, on l'appelait monsieur le président bien sûr, il m'avait demandé de mettre une veste. Rousselet me reçoit dans son bureau et me dit écoutez monsieur Toesca, je suis vraiment pas content. Mes amis se plaignent. À cause de vous et à cause de votre émission, ils ne peuvent plus regarder le journal de 20h. Parce qu'à l'époque, le top 50 au tout début était diffusé en quotidien entre 20h et 20h30, donc à l'heure du journal. Et là, il a eu un grand sourire et m'a dit merci beaucoup, bravo, félicitations. Parce qu'à l'époque, on rappelle comme ça au passage, que dans les foyers, il n'y avait qu'une seule chaîne, il n'y avait qu'une télévision. On n'avait pas un écran plat dans toutes les pièces. Oui, dans toutes les pièces. Donc voilà. Forcément, il y avait des disputes autour dans les foyers. Voilà. Donc c'était le grand débat. Et Degreff un jour m'a dit, tu vois, aujourd'hui tu es devenu le nouveau Bonne Nuit les Petits, parce que c'était bon, le top 50 et au lit, quoi, voilà. Et quel a été votre tube favori durant cette période? Ah, j'en ai eu à l'époque, moi j'ai adoré Jody des Innocents, j'adore Luna Parker, tes états d'Amérique, enfin il y a plein de trucs comme ça, mais là j'avais les larmes aux yeux de réécouter vos montages de 45 tours, parce que ça me rappelle tellement de choses. Ah bah d'ailleurs, voilà. On remercie Céline Hila, la réalisatrice. Ah merci. Voilà, qui merci. A mis tout son cœur, et puis elle dodelinait tout en écoutant. Non, c'est fou, parce que c'est des choses que je réécoute plus, quoi. Je suis pas là à me mettre les chansons de l'époque, mais quand j'entends les extraits comme ça, réécouter Balavoine, réécouter Téléphone, réécouter tous ces trucs-là. C'est pour moi, c'est vachement émouvant, quoi. Et je retrouve cette émotion dans les gens qui me croisent dans la rue ou qui me reconnaissent et qui me disent, voilà, j'écoutais le top 50. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que les gens me parlent d'eux-mêmes. Ils me racontent leur histoire. Le top 50, c'était mes parents, c'était mon frère, c'était ma sœur, c'était l'école, c'était ma première copine. Et c'est vraiment touchant, quoi, d'avoir ce genre de rapport avec le public de l'époque. Bah, c'est d'ailleurs le sentiment qui a fait naître cette émission spéciale consacrée au top 50, c'est qu'effectivement, voilà, ça a été une partie de notre existence et de la mienne très très forte. Et là, j'ai vu plein de réactions sur le net de gens, oh, le top 50, formidable. Il y avait la première question, c'était, est-ce que Marc Toesca sera avec vous? Est-ce qu'il sera là? Donc vraiment, il y a les tubes et puis il y a Marc Toesca. Et j'aimerais vous poser une autre question. Est-ce qu'il y a un tube, par contre, dont vous n'avez toujours pas compris le succès? C'est-à-dire le tube, genre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, il y en a plusieurs. Je crois que celui qui m'a mis le plus en furie, c'est « Dur dur d'être un bébé » de Jordi. C'est un truc, j'ai rien compris. Voilà, j'ai rien compris. Bon, après, c'est vrai, licence 4, au début, je dis, non, surtout, licence 4 est restée, je crois, 13 semaines, si mes souvenirs sont bons, ouais, 13 semaines numéro 1 du top, ou 12 semaines, ce qui est, au bout de la troisième ou quatrième fois numéro 1, je savais plus comment présenter ce titre, quoi. Mais bon, après, j'ai rencontré les gens qui ont fait la chanson, les potes de Patrick Sébastien, c'est vrai que c'était assez rigolo, quoi. Mais c'est vrai que dur, dur d'être un bébé a été pour moi un vrai traumatisme. D'ailleurs, je suis parti juste après. C'était dur, dur d'être un présentateur à ce moment-là, c'est ça? Ouais, mais je suis parti juste après, donc. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'était violent comme réaction de rejet. Non, j'arrivais aussi en bout de course, 7 ans de top 50. Voilà, il fallait passer à autre chose, quoi. Et quelle est la genèse de Salut les petits clous? Ah, eh bien, figurez-vous que je recevais du courrier et parfois même des propositions d'abonnement à des journaux très sérieux au nom de Monsieur Marteau SK. Voilà. Et donc, Monsieur Marteau, salut les petits clous. D'où salut les petits clous. Voilà. Et puis c'était un petit clin d'œil à Jean-Loup Lafont qui à l'époque présentait le hit parade sur Europe 1. C'est-à-dire que le top 50 au départ était tourné dans les locaux d'Europe 1, puis c'était une coprod Canal Europe 1. Et c'était un clin d'œil à Jean-Loup Lafont qui lui présentait ses émissions avec salut les petits loups. Voilà, donc il y a un petit clin d'œil à Jean-Loup Lafont, quoi. Très bien. Vous restez avec nous, Marc Toesca? Bah, si vous voulez, oui. Alors, on va écouter la sulfureuse Guèche-Pâtie, justement, spéciale dédicace pour Étienne Menu, qui a avoué ne pas avoir été insensible au clip de Guèche-Pâtie, avec une chanson que je comprends bien mieux à 45 ans qu'à 11 ans. Un titre qui est resté quand même 5 semaines numéro 1, Étienne de Guèche-Pâtie. Les salis, tombaient le long du Étienne de Guechpatti dans Blockbuster sur France Inter. On entend la lambada, mais la lambada qui a été un tube incroyable, dont on se souvient encore, sur lequel on danse encore, mais on a tendance à oublier qu'à la base, c'est une publicité. Oui, c'est une publicité en plus diffusée tous les jours. En fait, c'est plus qu'une publicité, c'était des... Ça a un nom en audiovisuel, je l'ai plus sur le... Mais enfin, c'est des sortes d'écrans achetés par la marque. C'est une publicité pour Orangina. Orangina. De toute façon, on voit la bouteille partout hein, voilà. Dans le clip. Hein. Parce qu'il y avait aussi Schweppes qui avait fait... Bon, bref. Mmh. Et donc, en fait, c'était des écrans payés l'été par la marque, où en gros, TF1 voilà, pouvait vraiment faire la pub pour le produit et pour la chanson, tous les soirs pendant 60 jours quoi. Donc c'est vraiment la pub la plus voilà, c'est le morceau et le produit qui sont vendus et c'était ça s'est passé plusieurs fois avec la Soca Dance, enfin tous les avatars de la Lambada qui se sont succédés et c'est au départ c'est des morceaux presque jingle en fait, c'est même pas vraiment des trucs avec couplet refrain. Enfin surtout en plus comme c'est en général pas en français, les gens s'identifient pas au message, ils s'identifient vraiment à l'ambiance. Mais Kaoma, qui est à l'origine de la Lambada, est un groupe francophone pourtant. Oui, alors après c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait Kaoma enfin c'est un groupe francophone dont était à l'initiative Jean Caracos, qui est quelqu'un, une personnalité assez importante de la musique française, qui avait notamment dans une vie antérieure avait fait pas mal de choses dans le jazz et le free jazz et le hip-hop et qui s'était lancé dans ce projet un peu comme un pirate parce qu'en fait c'est un plagiat d'un morceau pas brésilien mais bolivien je crois, sud-américain, enfin en tout cas d'un autre pays quoi. Et pour le coup le groupe a finalement été dédommagé plusieurs années plus tard au terme d'un procès. Guillaume Gay, est-ce que c'était courant d'avoir des chansons qui devenaient à la fois des outils marketing ou est-ce que c'était vraiment une singularité du marché français ou est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout ? Alors c'est pas du tout une singularité du marché français, même en fait c'est les débuts de la radio musicale aux États-Unis. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que la musique arrive à la radio aux États-Unis sur commande des publicitaires. En fait, c'est un peu un jeu à trois mondes. Il y a les développeurs de réseaux électriques qui se disent qu'est-ce qu'on va faire pour vendre ça. En fait, on va faire la radio. On commence à avoir des émissions, on commence à avoir des annonceurs pour financer ça. Et on se rend compte que la musique, c'est une bonne manière de garder un public captif pour les annonces. Et donc, les chansons au tout début de la radio, c'est Timothy Taylor qui raconte ça, aux États-Unis, sont coécrites par les marques qui ont des briefs très très précis sur notamment ce qu'elles appellent le goodwill, c'est-à-dire qu'il faut que la musique construise la bonne volonté en fait des acheteurs, des choses qui peuvent faire penser à ce qui se passe aujourd'hui avec les playlists bonne ambiance sur Spotify entre de publicités. Et donc voilà, c'est presque co-substantiel à la radio aux États-Unis en tout cas. Donc en fait, quand on disait qu'au début les instituts de sondage allaient dans les supermarchés voir le nombre de yaourts ou tout ça, finalement on est quand même resté assez proche de l'idée du rayon et du supermarché. Oui, bah bien sûr, mais c'est sûr que ces 45 tours, notamment ces tubes de l'été, etc., s'achètent. C'est-à-dire que c'est pas le si c'est des cartons, c'est précisément parce qu'ils touchent pas le simple public de mélomanes qui achète ces albums de jazz ou de folk ou de pop, etc. Mais c'est plus un public qui va acheter son magazine, son steak haché et son 45 tours. Ça fait effectivement partie de la même du même geste, quoi. Marc Toesca, quand vous voyez toutes ces chansons arrivaient dans le classement, est-ce que vous saviez déjà qui était à l'origine de quoi et par exemple est-ce que vous étiez conscient que la Lambada c'était aussi une sorte d'outil publicitaire pour Orangina? Ah bien sûr, de toute façon on a vu la pub, on avait vu des extraits de clips sur TF1 avant de la voir au top 50, et même avant même la sortie du 45 tours, c'était un lancement déjà très bien orchestré comme tous ces produits publicitaires. Mais pour revenir aussi à la musique et aux marques, juste un petit rappel, en France, les chaussettes noires étaient sponsorisées par une marque de chaussettes, Stem par exemple. Voilà, donc c'est, comme oui, quoi, c'est rien de secret. C'était vraiment, voilà. Mais oui, effectivement, on n'était pas dupes des gens qui étaient derrière. Mais après, il faut rappeler quand même que tous les tubes de l'été ne sont pas forcément des supports de marques et des supports commerciaux, quoi. Oui, voilà. Oui. Et puis, en plus, moi, la Lambada, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et vraiment, il y a beaucoup de balles où je dis merci à la Lambada pour plein de raisons qui m'appartiennent. Vous l'avez rappelé, mais l'histoire est quand même assez sordide, quoi, l'histoire de cette chanson et de ce tube. Voilà. Oui. Alors, Alain De Greff, le regretté directeur des programmes de Canal+, a dit, dans un livre qu'il a écrit, qu'avec le top 50, on avait découvert que les Français, c'est lui, qui l'a dit, avaient des goûts musicaux de merde. Et comme le disait mon camarade Régis Maillot dans cette chronique, sur cette même antenne, le top 50, tout le monde n'aime pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Le top 50, c'était le meilleur d'une qualité audiovisuelle perdue depuis des années. Le top 50, c'était des Toulousains qui se pointaient en imperméable et faisaient la gueule en nous parlant d'un capitaine abandonné dont tout le monde se foutait. Le top 50, c'était aussi le mélange des cultures. On découvrait que oui, il y avait des Noirs en France. Jeanne Masse, par exemple. Le top 50, c'était aussi l'ouverture sur le monde, une volonté militante d'aller vers d'autres cultures. On a ainsi découvert la world music, Saga Africa, la Compagnie Créole. Pour nous, à l'époque, c'était le programme phare. Quand on voyait les malheureux Éthiopiens crever de faim à la télé, on croyait que c'était les choristes des Chanteurs sans frontières. On les jalousait, vous pensez, quoi. On était jeunes, on savait pas. Un mauvais moment à penser. Redouane, t'es là. Derrière cet extrait, qui est surtout une sorte de petit clin d'œil à mon camarade Régis Maillot, on voit qu'il y a quand même toujours ce débat éternel entre la chanson populaire, qui est reprise par tout le monde, et une forme de noblesse de la musique à laquelle elle n'appartiendrait pas. Mais c'est d'autant plus étonnant à l'époque, parce que pour le coup, le top 50 était très franchement influencé par la télévision et par la radio, et donc par des programmateurs musicaux qui décidaient de mettre en avant tel ou tel titre. Donc il y avait un outil de curation. C'est pas comme aujourd'hui avec les plateformes de streaming, c'est la jungle, on peut écouter tout et n'importe quoi, et en fonction le top se fait. À l'époque, c'était vraiment influencé par la télé et la radio, et par la presse musicale aussi. Et donc, il y avait parfois des petits miracles, on en a cité quelques-uns, mais sinon, globalement, on retient ces tubes un peu étranges, mais globalement, le top 50 se tenait plutôt à l'époque. Et Marc Toesca, le top 50, ça a aussi été une vitrine de l'arrivée de nouveaux courants musicaux, la musique électronique, même la musique noire faite à la française. Mais il y a eu quelque chose de l'ordre du sous-marin, du cheval de Troie, de plein d'autres genres musicaux vis-à-vis des chansons françaises. Ouais, et puis faut quand même aussi rappeler que le top 50 était aussi très influencé, notamment en 1984, 85, 86, par les nouvelles radios qui arrivaient, les nouvelles FM qui éclataient un peu partout en France. Et c'est vrai qu'on avait des courants musicaux, mais qui arrivaient de régions très différentes. On a eu des groupes ou des artistes qui arrivaient par exemple de l'ouest de la France ou qui arrivaient du nord de la France et qu'on n'aurait peut-être pas connu si ces FM n'avaient pas existé. Mais aussi, c'est une époque où les courants musicaux étaient très brefs. Ça pouvait durer 3-6 mois, peut-être un an, mais c'était des choses qui se suivaient. Il y avait quelque chose de nouveau en permanence. Voilà, notamment à l'époque, Confettis par exemple, l'espèce dance music qui était fabriquée en Belgique. Bon, si les FM du nord de la France n'avaient pas été là, peut-être on n'aurait jamais connu ce genre musical. Mais c'est vrai que les courants musicaux étaient très très éphémères. Voilà, ça ne s'installait pas comme aujourd'hui. C'était des choses qui allaient très très vite. Guillaume Huguet, est-ce qu'aujourd'hui on a cette même variété et d'épiphénomènes qui peuvent apparaître un peu partout, ou est-ce que justement avec les plateformes on est arrivé plutôt à une forme d'homogénéisation de la musique mondiale? Alors c'est une question extrêmement compliquée et les sociologues s'écharpent. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que contrairement à l'idée qui voudrait que avec le streaming on a enfin les goûts du public en direct sans médiation, on sait qu'il y a des formes de partenariat entre maisons de disques et plateformes, à la fois dans les playlists éditoriales, etc., mais aussi des partenariats financiers plus profonds, ou alors des plateformes qui produisent leur propre musique pour les playlists, même si c'est plutôt pour des playlists de fond que pour des tubes, quoi. Et c'est encore plus le cas avec les dernières plateformes qui sont apparues, du type TikTok, où on sait que c'est vraiment une curation hyper manuelle, sous couvert d'hyper-personnalisation, en tout cas pour la musique. Donc il y a encore des... En fait, finalement, on n'est pas si éloigné des décisions, un peu des arbitrages des programmateurs, des programmatrices. Ils sont juste mieux cachés. Disons qu'il y a l'effet de nouveauté hein, qui nous donne un peu le vertige. Et en fait, on retrouve à peu près les mêmes métiers ou les mêmes enjeux, mais il faut un peu voir comment ça se déplace, ça se resitue. Sur l'uniformité ou pas, en fait, on a beaucoup parlé de l'internationalisation des charts. Donc c'est vrai qu'en fait, on a tendance à avoir des marchés un peu plus mondiaux et donc plus de circulation entre les musiques produites dans d'autres hypercentres. Par exemple Miami pour la musique latine plutôt que New York ou Los Angeles. Dernière chose là-dessus, en fait, on observe que il y a légèrement plus de diversité consommée de musique sur les plateformes de streaming, mais cette diversité elle est mesurée généralement en nom d'artiste ou type de genre, et donc elle consiste pas à regarder si deux artistes différents font pas à peu près exactement la même musique, ce qui du coup ne nous dit pas grand chose sur le formatage ou pas. Redontella. Globalement aujourd'hui, le top 50 est vraiment trusté par un style musical, le rap et ses dérivés, donc une musique de jeunes, parce que ce sont les jeunes qui écoutent en masse sur les plateformes de streaming, donc c'est ça qui fait monter aussi ces titres-là. Mais par contre, le top 50 change tout le temps. À l'époque, Beau le lavabo de Vincent Lagaffe, il est resté 28 semaines numéro 1 du top 50. Ouais, c'est parce qu'il a un gros lavabo. Sans doute. Aujourd'hui, il y a très peu de titres qui restent plus de 3 semaines numéro 1 du top 50. Ça n'existe quasiment plus. Il y a peu de titres qui font l'unanimité, il y a peu de titres qui restent qui durent dans le temps. En fait, cette surconsommation et cette surproduction musicale a créé des tubes à durée de vie très limitée. Éphémère. Alors, il y a les numéros 1 des classements des années 80, et il y a le numéro 1 dans le cœur des programmateurs de France Inter. Benjamin Biolay, bien évidemment. On l'écoute tout de suite, qui nous interprète Rends l'amour. Prends-moi tout, la vie, la dignité, ma pointe sur le port. Les trois sous de côté qui demandent un temps d'effort. N'oublie pas d'emporter le canapé et tout confort. Ne laisse rien. Le cèdre centenaire, le panorama. Non, n'oublie rien. Même si c'est pour tout mettre au débat. Mais rends. Je t'avais prêté, reprendre ses volets, mais je t'ai jamais rien donné. S'il te plaît, rends l'amour, et je me jette de la falaise, et je m'en vais te cueillir des fraises, si tu veux m'aider. Sois sûr que tu n'oublieras rien. Délaisse-moi, n'y va pas par quatre chemins. Tu peux brûler le cours de ta battue, de feu nos échanges. Ta Voilà, Benjamin Biolay, beaucoup plus direct que Gejpati, rend l'amour. Vous êtes bien sur France Inter. Blockbuster. C'est une super émission, on dit plein d'horreurs avec Frédéric Sigrist. Comme un oiseau dans le ciel, maître de l'espace. Il m'en a fallu du temps pour pouvoir trouver ma place. J'avais perdu la notion du temps qui nous casse. Oh, on est si souvent. Menu. Oui. On l'entend dans ce titre d'Ophélie de Winter, Dieu m'a donné la foi. Ça a été aussi la naissance d'une vraie pop musique qui a dû digérer l'étranger et tout en assimilant les particularités de la langue française, toute cette histoire du top 50. Oui, complètement. En fait, il y a un truc, pour le coup, Ophélie Winter, je trouve, et pas mal de chanteurs R&B de cette époque-là, ont vraiment, genre, se sont plus appropriés, enfin, on l'entend de manière un peu caricaturale avec Ophélie qui a cette voix, enfin, où on qui sent rajoute beaucoup de voyelles. Elle fait ce qu'on appelle des mélismes, oui. C'est-à-dire qu'elle elle rajoute des voyelles, elle américanise complètement son élocution. Mais aussi! Mais je trouve ça finalement assez, assez bien tenté, surtout je trouve que ça a bien vieilli, même si tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Là où, par ailleurs, dans les années 80, les chanteurs avaient tendance à être un peu trop français, ordinaire, et à faire de la new wave, en fait, qui ressemblait à un truc fait par la nana du péage, quoi. Il y avait un truc très, très spécial dans la manière de réinterpréter là, l'anglais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que je vais recevoir une tonne de mails, de courriels de gens qui travaillent dans les péages. Non, mais c'est stigmatisant pour... Qui écoutent beaucoup la radio. Je me prie de m'excuser à tout le personnel des péages. Mais je voudrais dire, non, mais ça, simplement quelque chose de très ordinaire et de pas du tout étranger, en fait. De très français, de très local. Alors que, pour le coup, Ophélie et ensuite pas mal aussi de rappeurs français ont réussi complètement à intégrer l'anglais de manière intéressante, d'une manière pertinente dans leur manière de faire la musique française, en fait. Redouane Tella, de ces années top 50, est-ce qu'il y a un titre en particulier qui vous a marqué et que vous ne condamnerez jamais parce que voilà, non, ça restait quand même trop bien. Qu'est-ce que vous appelez les années top 50 d'abord? Parce que est-ce que c'est l'émission de Marc Toesca ou est-ce que ce sont les dérivés qu'il y a eu ensuite? On va y venir et j'aimerais interroger Marc Toesca là-dessus. Et Direct Star. Sur les années top 50, ouais, moi j'ai une petite tendresse pour Joe le Taxi. Pour Vanessa Paradis? Mais oui. Très bien. Bien évidemment. Et Marc Toesca. Et pas la Zoubida. Oui, je me doutais. Pour le coup, la Zoubida, oui. On condamne, vraiment. Oui, oui. Ça a, oui. Ça a resté beaucoup trop longtemps en top 50 pour une chanson qui est quand même raciste. Faut quand même le dire. Marc Toesca, est-ce que ça a une réaction sur la Zoubida? Aucune. Vous m'en voulez pas? Non. Mais question suivante. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Et c'est vrai que quand le top 50 s'est achevé, il est réapparu sous un autre nom, sous une autre forme, le Hit Machine, Charlie et Lulu, etc. Comment vous avez eu l'impression de passer le relais comme ça? Un jour j'ai tourné la page, quoi. Voilà. Et le jour où j'ai décidé d'arrêter le top 50, pour moi, c'était fini. Je voulais plus entendre parler de cette époque-là. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on parle du top 50, enfin, pas aujourd'hui, parce que bon, l'eau est passée sous les ponts, et il y a pas mal de choses qui sont passées, mais du jour où j'ai arrêté le top 50, je voulais plus en entendre parler. J'avais mis tout ça au fond d'une poche très profonde avec un gros mouchoir par-dessus. Et c'était un pan de ma vie qui était passé. C'est un moment où j'ai décidé de faire d'autres choses et voilà, de vivre d'autres choses et je me suis amusé ailleurs, éclaté ailleurs. Jusqu'au moment où il y a ce gros boulet de Sigris qui est revenu en disant, ça vous dirait de parler du top 50 à France Inter? Non, mais je vous dis, avec le temps, ce qui est attachant dans cette histoire-là, c'est de voir la réaction des, aujourd'hui, les fans sont des cadras, des quinquas qui viennent me voir et qui me disent « Vous êtes toute ma jeunesse ou mon adolescence ». Bon, parfois, ça fait un peu mal, hein, parce que certains quinquas n'ont pas forcément bien vieilli, mais on dit « Mais vous êtes toute ma jeunesse, toute mon enfance », et ça touche. Donc forcément, c'est vrai que je me lis. Ce que j'arrive à raconter sur le top 50 aujourd'hui, il y a 25 ans, j'aurais pas pu le raconter, quoi. Voilà, c'est comme ça. L'histoire a mûri, même moi, j'ai mûri un petit peu aussi, et j'arrive à faire... Mais j'ai jamais réussi à écrire sur le top 50. Il y a plein d'éditeurs qui m'ont demandé, mais pourquoi t'écris pas quelque chose? J'y arrive pas. Voilà. Et alors, j'aurais une dernière question qui me taraude depuis que j'ai eu l'idée de faire cette émission. C'est que dans les classements du top 50, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une singularité française. C'est la chanson qui est numéro 1 du top 50, alors que logiquement, c'est un drame, mais dans le pire film social qu'on a jamais vu. C'est-à-dire que Elsa, mais tu me fais peur, mais tu n'en finis pas. Ou même comme un ouragan chanté par Stéphanie de Monaco, c'est des chansons d'une tristesse. Qu'est-ce que ça dit de nous? Elsa, c'est déjà une chanson d'un film très sombre. La femme de ma vie. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Régis Varnier. C'est particulièrement, particulièrement sombre. Mais de toute façon, en France, on a toujours aimé les chansons tristes. Depuis les années 60, 70, depuis que le 45 Tours existe et les hit parades existent, on a Caprice et Fini, c'est une histoire sordide. Aline de Christophe, c'est une chanson triste. Je crois qu'on a une petite affection pour les histoires de. Les histoires un petit peu, comment dire, lacrymales. Oui. Mais il y a eu aussi des chansons très joviales. Oui, bah, c'est licence 4, c'est-à-dire que quand on a fini les antidépresseurs, on attaque l'alcool. C'est vrai. Non, mais je pense que de toute façon, les chansons tristes ont toujours eu un certain succès auprès d'un public très populaire, quoi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Les chansons de Dylan ne sont pas forcément. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non plus, donc. C'est vrai. C'est à la limite, les histoires heureuses, ça fait pas forcément des belles chansons. Ouais, les trains qui arrivent à l'heure ne nous intéressent pas. Tout à fait. Je vous remercie du fond du cœur, Marc Toesca. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. C'est la fin de cette émission. Étienne Menu, Redouane Tella, Guillaume Gay, merci. Merci. J'aimerais remercier également Thomas Langlin à la technique et Julien Chabassu au mixage. Je rappelle que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20 pour parler de vos souvenirs du top 50 ou en parler sur le Twitter avec le hashtag Blockbuster EFI. Au quatrième top, il sera exactement... Top 50. Et demain, changement d'ambiance totale. On va parler de familles dysfonctionnelles et de repas qui partent en pugilat. C'est un peu le festin du monde des jeux vidéo. Demain, on va vous parler de Tekken, le jeu de combat culte du studio Namco. France Inter.